À l'occasion de la journée de la jeunesse, le séminaire sur les exploits des grands hommes de Toussaint a eu lieu les 3 et 4 courants en filiale de Polé, de Kulalé, d'Ieka, d'Addis Ketema, d'Arada, de Kirkos, de Rideta et de Kolpe, relevant de l'association de la jeunesse d'Addis Abeba, Éthiopie. Les orateurs ont dit que grâce à la politique du Parti Travail de Corée privilégiant la jeunesse, les jeunes coréens sont formés en héros et combattants d'avant-garde de l'époque et que la Corée manifeste son prestige majestueux de l'unique puissance de la jeunesse dans le monde. Et ils ont exalté les exploits accomplis par les grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il et le maréchal Kim Jong-un pour le mouvement de la jeunesse.